Bonjour, c'est Vincent, je travaille au Recyclodrome, on est une ressourcerie à Marseille. On fait partie d'un réseau national des ressourceries. Voilà, notre activité, c'est de baisser les déchets en favorisant le réemploi des objets, la réutilisation, le recyclage des matières. L'activité permet de développer un nouveau technicien du réemploi. Voilà, c'est un nouveau métier. Voilà. Quand on est là, on aimerait bien créer des liens avec d'autres structures. Je pense à l'habitat, je pense à d'autres choses aussi.